Alors, qu'est-ce que tu as pensé du spectacle? Tu as aimé? Ah oui, quel spectacle extraordinaire! C'était magnifique! Ah oui, c'était splendide! C'était remarquablement bien joué, tu ne trouves pas? Oui, les acteurs sont excellents! Ah, quel talent, ils savent tout faire! Je sais pas comment ils font, ils dansent, ils chantent, ils jouent la comédie! Pourtant, ce sont pas des professionnels! Comme toi?